Neuvième lettre. Nouveaux détails inédits. Manuscrit du Célestin Goussancourt. Dernières aventures d'Angélique. Mort de la Corbinière. Lettre. Le manuscrit que les archives nationales conservent, écrit de la main d'Angélique, s'arrête là. Mais nous trouvons annexé au même dossier les observations suivantes, écrites par son cousin, le moine Célestin Goussancourt. Elles n'ont point la même grâce que le récit d'Angélique de Longueval, mais elles ont aussi la marque d'une honnête naïveté. Voici un passage des observations du moine Célestin Goussancourt. La nécessité les contraignait d'être taverniers, où les soldats français allaient boire et manger, avec un tel respect qu'ils ne voulaient point être servis d'elles. Elles cousaient des collets de toile, où elles ne gagnaient tous les jours que 8 sous, et avec cela descendaient à toute heure à la cave, et lui se donnait à boire avec ses hôtes, de telle façon qu'il devint tout couperosé. Un jour, elle était à la porte. Un capitaine vint à passer et lui fit une grande référence, et elle à lui, ce qui fut aperçu de son mari jaloux. Il l'appelle et la prend par la gorge. Elle parvient à jeter un cri. Les buveurs arrivés la trouvent à demi-morte, couchée par terre, à laquelle il avait donné des coups de pied aux côtes qui lui avaient ôté la parole, et dit pour s'excuser qu'il lui avait défendu de parler à celui-là, et que, si elle lui eût parlé, il l'eût enfilé de son épée. Il devint étique par ses débauches. À cette époque, elle écrivit à sa mère pour lui demander pardon. Sa mère lui répondit qu'elle lui pardonnait et lui conseillait de revenir et qu'elle ne l'oublierait pas dans son testament. Ce testament était gardé à l'église de Neuville-en-Rest et contient un legs de 8 000 livres. Pendant l'absence d'Angélique de Longueval, il y eut une demoiselle en Picardie qui voulut usurper sa place et se donna pour elle. Elle eut même la hardiesse de se présenter à Madame de Haraucourt, mère d'Angélique, laquelle dit qu'elle n'était pas sa fille. Elle racontait tant de choses que plusieurs des parents finirent par la prendre pour ce qu'elle se donnait. Le Célestin, son cousin, lui écrivit de revenir, mais la Corbinière n'en voulait pas entendre parler, craignant d'être pris et exécuté s'il rentrait en France. Il n'y faisait pas bon pour lui non plus, car la faute d'Angélique fut cause que M. d'Haraucourt chassa des faubourgs de Clermont-sur-Oise sa mère et ses frères, qui vivaient de leur boutique, étant charcutiers. Madame d'Haraucourt, enfin, étant morte en décembre 1636 à la Neuville-en-Hesse, où elle repose, M. d'Haraucourt était mort en 1632, leur fille fit tant près de son mari qu'il consentit à revenir en France. Arrivé à Ferrare, ils tombent malades tous deux, où ils furent 12 jours. S'embarquent à Livourne, arrivent à Avignon, où ils sont toujours malades. La Corbinière y meurt le 5 août 1642. Il repose à Sainte-Madeleine. Il meurt avec des repentances très grandes de l'avoir si maltraité et lui dit « Pour votre consolation et ôter votre tristesse, souvenez-vous comme je vous ai traité. » Là, continue le moine Célestin, elle a été en si grande nécessité qu'elle m'a dit par écrit et de bouche qu'elle fut morte de faim, n'eût été les Célestins qui l'ont aidée. Elle arrive à Paris le dimanche 19 d'octobre par le coche et manda à Madame Boulogne, sa grande amie, de la venir guérir. N'y étant pas, son hôtelier y fut. Le lendemain, après dîner, elle vint me trouver avec ladite Boulogne et sa belle-mère, la mère de la Corbinière, servante de cuisine chez M. Ferrand, état qu'elle a été contrainte de faire depuis qu'elle a été bannie de Clermont à cause de son fils. La première chose qu'elle fit, elle vint se jeter à mes pieds, les mains jointes, me demandant pardon, ce qui fit pleurer les femmes. Je lui dis que je ne lui pardonnerais pas, ce qui la fit soupirer et respirer, ayant entendu le reste, car elle ne m'avait pas offensé. Et la prenant par la main, lui dis-je « Levez-vous » et la fit asseoir auprès de moi, où elle me répéta ce qu'elle m'avait souvent écrit, qu'après Dieu et sa mère, elle tenait la vie de moi. 4 ans après, elle était retirée à Nivilliers et très malheureuse, n'ayant chemise au dos, comme il paraît par la lettre ci-compte. Lettre qu'elle écrit au Célestin, son cousin, 4 ans après son retour de Nivilliers. Le 7 janvier 1646, « Monsieur mon bon papa », elle appelait ainsi le Célestin, je vous supplie très humblement de n'attribuer mon silence à manque du ressentiment que j'aurai toute ma vie de vos bontés, mais bien de honte de n'avoir encore que des paroles pour vous le témoigner. Vous protestant que la mauvaise fortune me persécute au point de n'avoir de chemise au dos. Ces misères m'ont empêché jusqu'ici de vous écrire, et à Madame Boulogne, car il me semble que vous deviez recevoir autant de satisfaction de moi comme vous en avez été travaillés tous deux. Accusez donc mon malheur et non ma volonté. Ne me faites l'honneur, mon cher papa, de me demander de vos nouvelles, votre très humble servante. À de Longueval, à M. de Goussancourt, au Célestin, à Paris. On ne sait rien de plus, voici une réflexion générale du Célestin Goussancourt sur l'histoire de cet amour, dans lequel l'imagination simple du moine, ne pouvant admettre du reste l'amour de sa cousine pour un petit charcutier, rapportait tout à la magie. Voici sa méditation. La nuit du premier dimanche de carême 1632 fut leur départ. Retour en 1642 en carême. Leurs affections commencèrent 3 ans avant leur fuite. Pour se faire aimer, il lui donna des confitures qu'il avait fait faire à Clermont et où il avait des mouches cantharides qui ne firent qu'échauffer la fille, mais non aimée. Puis il lui donna d'un coin cuit et depuis elle fut grandement affectionnée. Rien ne prouve que le frère Goussancourt ait donné une chemise à sa cousine. Angélique n'était pas en odeur de sainteté dans sa famille. Et cela paraît en ce fait qu'elle n'a pas même été nommée dans la généalogie de sa famille, qui énonce les noms de Jacques Annibal de Longueval, gouverneur de Clermont en Beauvoisis, et de Suzanne d'Arcanvilliers, dame de Saint-Rimaud. Ils ont laissé 2 Annibal, dont le dernier, qui a le nom d'Alexandre, est le même enfant qui ne voulait pas que sa sœur vole à papa et maman, puis encore 2 autres garçons. On ne parle pas de la fille.